C'est presque un voyage initiatique que Jean-Marie Le Clézio a fait en Mélanésie, dans ce continent invisible, comme il appelle, qu'est l'Océanie. Invisible, dit-il, parce que les voyageurs qui s'y sont aventurés la première fois ne l'ont pas aperçue, et parce qu'aujourd'hui, elle reste un lieu sans reconnaissance internationale, un passage, une absence en quelque sorte. C'est Édouard Glissant qui a lancé ce projet magnifique de proposer à des écrivains de s'embarquer à bord du Trois-Mâts, la Boudeuse, pour aller à la rencontre de peuples uniquement accessibles par voie d'eau et d'écrire après coup le récit de leur voyage. Raga, approche du continent invisible, est donc le titre du récit de Jean-Marie Le Clézio qui sera l'hôte de ce carnet nomade. En exergue, cette page de Raga. Je marche sur la plage de la baie Homo à Panji. Ceci est peut-être l'un des plus beaux paysages du monde. La baie est immense, à peine incurvée. Elle va du tas rocheux qu'on appelle plaisamment ici Cook's Hat, le chapeau de Cook. Et de fait, on imagine bien en le voyant l'extravagante allure coiffant la tête du navigateur jusqu'à la pointe Rambutor au sud. À l'horizon, il y a l'amoncellement de nuages qui signale Ambae, et de l'autre côté de l'horizon, Malekulo. À l'autre bout, les formes bleutées des volcans d'Ambrime. La mer est d'un bleu pur, non pas le turquoise des lagons qui plaît tant aux touristes, mais un bleu sombre, violent, profond. À Pentecôte, il n'y a pas de barrière de corail. L'île est une seule longue crête volcanique jaillie des abysses. Elle possède quelque chose de la majesté des commencements, quand, après des millions d'années de pluie et de tempêtes, s'est formé l'océan. Simplement, le ciel tombé sur la terre et noyant les vallées où affleurait encore le magma. Je marche sur la plage de galets, des débris coralliens et de laves mêlées, le long de la ligne sombre des arbres, veloutiers et badaniers comme à Maurice, et derrière eux, les gigantesques banyans. On pourrait presque partir du mot aventure, Jean-Marie Le Clézio, pour raconter justement toute votre approche de vers Raga, à la rencontre de civilisations presque invisibles, comme vous dites. Et c'est le mot aventure a toujours été finalement galvaudé et trop usé, alors que ce serait beau d'ailleurs, comme vous le faites, de lui rendre sa noblesse et sa complexité aussi. Oui, c'est vrai, quand on est enfant, c'est un mot qui a une résonance forte. Je me souviens des premiers textes littéraires que j'ai lus, c'était des romans d'aventure. C'était Gros-Blanc, c'était L'Appel de la Forêt. C'était dans ces récits qu'on rencontrait les premiers éléments de la psychologie. Parce que tout à coup, on s'interrogeait sur le devenir de l'être humain, la raison pour laquelle il était là, ses relations avec les autres, comment se trouver, comment devenir autre aussi, et en particulier Jack London. Et j'étais assez ému quand j'ai appris que Jack London avait voyagé à bord d'un bateau qui s'appelait le Snark, dont le nom était visiblement tiré de Lewis Carroll, et qu'il avait parcouru le Pacifique. Et je me souviens d'un livre que j'avais vu dans une bibliothèque, dans lequel on voyait... il y avait une photographie qui montrait Jack London assis sur une plage qui était très vraisemblablement une plage de Mélanésie, peut-être même du Vanuatu, et avec à côté de lui un de ses matelots, un matelot du Snark, qui tenait victorieusement dans sa main une pince tenant une des molaires de Jack London. Et il y avait le commentaire en dessous: ma première extraction. On lui avait arraché une dent sur une plage du Vanuatu. Et ça, c'est vraiment l'aventure, c'est-à-dire que être dans un endroit où il n'y a pas de dentiste, loin de tout, et être obligé de faire face à une situation comme une rage de dents, et avec un certain humour, en s'en servir comme une marque dans le voyage que l'on fait. Donc ça, c'était, oui, l'aventure. Puis après, j'étais aussi assez ému par le sens que j'ai rencontré un jour, c'est dans Bernardino de Sahagún, chroniqueur du Mexique. Bernardino de Sahagún relate qu'une fête qui l'avait beaucoup ému, c'était une fête où les gens dansaient pour représenter des idées ou des faits de la vie quotidienne. C'était une fête dans laquelle chaque danseur était là en représentation. Et il demandait donc qu'on lui explique les différentes danses. Donc il y avait une danse qui était le mariage, une danse qui était l'amour, une danse pour l'amitié, une danse pour le courage à la guerre, etc. Et à un moment donné, il avise un homme qui danse en portant sur son dos un autre homme beaucoup plus petit, un peu, pas un nain, mais une sorte d'être un peu atrophié, qu'il portait sur son dos, et il lui dit, et lui, qu'est-ce qu'il représente ? Et l'interprète lui dit, lui, il représente un personnage qui s'appelle Ineshtiwa, qui veut dire chercher l'aventure. Et je m'étais dit, ça c'est étrange, une danse pour chercher l'aventure. Et cette danse pour chercher l'aventure, c'est porter un alter ego un peu atrophié, qui a besoin de se développer peut-être. C'est porter le rêve sur son dos, c'est cela. Et vous avez toujours, Jean-Marie Le Clézio, c'est vrai, été attentif à la culture des autres peuples. Vous avez aussi beaucoup regardé, on peut dire, les Mauriciens, les gens du désert, et c'est comme si ça donnait aussi une autre façon de regarder chaque être humain. Oui, parce que je crois que la culture, ce n'est pas une identité nationale ni même géographique. La culture, toutes les cultures sont universelles. Donc chaque culture a le droit de s'exprimer, et je dirais que pour chaque humain, c'est un devoir même de rencontrer les autres cultures et de découvrir que l'humanité, c'est un livre ouvert, ce n'est pas où les chapitres se rencontrent, ce n'est pas un livre, on n'appartient pas à une page du livre, on appartient au livre tout entier, historiquement et géographiquement. Enfin, en fait, l'histoire et la géographie, c'est la même chose, c'est pas différent. Donc la culture, c'est vraiment c'est un livre à l'échelle mondiale. Et je ne veux pas parler de mondialisation, ça c'est autre chose. Oui. Mais les rencontres, c'est indispensable. Et je crois qu'en chacun de nous, il y a un peu de mélanésien, polynésien, indien d'Amérique, russe, scandinave, de la culture sémite, de la culture africaine. On a tout ça ensemble. Et c'est sur une idée d'Edouard Glissant que vous vous êtes embarqué donc à bord de la Boudeuse, hein, c'est le nom du bateau, et l'idée était d'aller justement à la rencontre et d'écrire après un texte à la rencontre de peuples qui n'avaient pas été assez regardés. On peut le dire comme ça aussi. Oui, c'est vrai que ça n'est pas indifférent que ce soit Edouard Glissant qui ait eu cette idée. Et Édouard Glissant, comme tous les gens des îles, et particulièrement ceux des îles à sucre, est quelqu'un qui sait bien ce que c'est que le métissage. Et donc, vous êtes parti d'où ? Oui, et donc, je suis parti de l'idée de Glissant, en fait. Nous nous sommes rencontrés à Paris, et quand il m'a parlé de ce projet, j'étais immédiatement, c'était comme si un rayon de soleil entrait dans mon esprit. Je me suis dit, mais il a tout à fait raison, il faut non seulement lire, mais il faut tenter l'aventure, c'est-à-dire essayer de vivre un instant ce que d'autres gens vivent au quotidien. Et particulièrement ces gens qui vivent dans des îles et qui sont souvent, qui connaissent de grandes difficultés pour communiquer avec les autres, de grandes difficultés pour sortir, et qui ont connu aussi souvent des histoires dramatiques, comme c'est le cas dans les îles à sucre. Et l'idée de monter sur un bateau, dont je ne connaissais rien d'ailleurs à ce moment-là, et d'aller à l'aventure, non pas que le capitaine du bateau ne sache pas où il allait, mais moi je ne savais pas où j'allais. Mmh. Et quand il m'a demandé où je voulais aller, j'ai regardé la liste des endroits qui allaient être touchés par ce bateau, et j'ai repéré l'endroit qui était le plus loin, l'endroit où certainement je ne pouvais pas imaginer d'aller autrement, et c'était l'île de Pentecôte au Vanuatu. Et donc vous vous retrouvez sur cette île avec déjà le nom de tous les points de cette île sont énigmatiques et en même temps tout à coup vous deviennent familiers parce que vous êtes guidés par des personnages qui arrivent et qui sont d'abord silencieux et qui, comme vous dites, se révèlent être des livres entiers, des trésors, hein, des mémoires, de mythes, qui vous racontent et vous écoutez, vous êtes là par votre présence et vous recueillez. Oui, il y a eu d'abord une escale forcée à Port Vila, qui est la capitale du Vanuatu, qui est un endroit extrêmement développé, hein, où se font il y a beaucoup de voyages de noces de nouveaux mariés venant d'Australie, de Nouvelle-Zélande. C'est un endroit assez proche du continent australien. Et à Port Vila, j'ai eu la chance de rencontrer un homme très étonnant qui a été ministre du Vanuatu, hein, pendant un certain temps, originaire de Pentecôte, qui s'appelle Vincent Boulekon, et qui aujourd'hui, bon, est un peu à la retraite, mais continue à être chef de son village d'Ilamré, en Pentecôte, il vit une partie du temps dans la capitale du Vanuatu, et qui est un homme à la fois d'une très grande culture et d'une simplicité étonnante. C'est vraiment un mélanésien admirable, parce qu'il a une connaissance du monde, il a voyagé, il a beaucoup lu, c'est un érudit, donc il a cette ouverture sur le monde, on va dire, non pas occidental, mais le monde moderne. Et puis, il a en même temps gardé cette relation avec son île natale, avec le village de montagne dont il est le chef coutumier, et il passe de l'un à l'autre très aisément. Donc, quand j'ai rencontré Vincent Boulekon, j'ai eu le sentiment que il y avait sûrement quelque chose qui m'attendait. Et en effet, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il m'a parlé d'une femme qui était une de ses nièces et qui était à Pentecôte et qui s'occupe d'une association de femmes qui cherche à établir un certain équilibre dans la société, la nouvelle société du Vanuatu, dans laquelle les femmes ont tendance à être un petit peu dominées par les hommes. Et le rendez-vous a été pris par téléphone et Vincent Boulekon m'a dit « Ma nièce vous attend, dites-moi quand vous arrivez ». J'ai donné une date approximative et quand je suis arrivé à Pentecôte, j'ai découvert que cette dame et d'autres personnes m'attendaient déjà depuis une semaine. Ah oui. Tous les jours, ils venaient à ma rencontre et je n'arrivais pas. Et je me suis dit « Donc là, il y a quelque chose de vraiment important qui doit se passer ». Et j'ai rencontré en effet cette personne qui s'appelle Charlotte, à qui je dédie ce livre, et sans elle peut-être que le livre n'aurait pas existé comme il existe à présent. Oui, c'est très beau quand vous évoquez votre première marche avec elle et que vous marchez derrière elle, que c'est en silencieux, on sent toute la présence de l'île autour et elle est pudique et peu à peu elle vous raconte et c'est une histoire peut-être qui ressemble à d'autres histoires de femmes dans cette île, mais en même temps c'est comme si elle vous racontait un mythe. Je trouve que vous êtes aussi pris vous-même dans une espèce de mythe, même si elle vous attendait avec le bateau sur le rivage, et de mythe contemporain à travers sa mémoire très très ancienne. Oui, ce qui a fait aussi, c'est j'avais lu des livres depuis longtemps à propos du Pacifique, de la Mélanésie, en particulier Les Argonautes du Pacifique Sud, qui est un livre merveilleux, admirable. Et ce qui me frappait, c'est que les femmes étaient absentes de ces livres. On avait le sentiment que les femmes étaient toujours vues de l'extérieur. Et je me demandais quelle pouvait être l'attitude des femmes lorsque Malinowski se promenait. Est-ce qu'elle venait à sa rencontre ou est-ce qu'au contraire il n'avait affaire qu'aux hommes et peut-être occasionnellement à une ou deux femmes qui étaient là pour le servir. Et je me disais, il y a quelque chose qui peut-être lui a échappé. Non pas que j'ai la prétention de corriger l'anthropologie de Malinowski, mais peut-être que les circonstances de l'époque ont fait qu'il ne pouvait pas les rencontrer. Et là, aujourd'hui, la société du Vanuatu est une société qui est en état de basculement. Elle se trouve entre deux mondes, le monde ancien, dans lequel les traditions et tout ce qui a trait à la guerre et aux traditions guerrières de ce peuple sont encore vivantes, elles sont encore très, très présentes, mais ce sont des gens qui ont en face d'eux le monde moderne. Et le monde moderne, ce n'est pas ça du tout. C'est l'argent, C'est les épidémies, comment faire face à cela. C'est la nécessité de se transformer, de s'adapter à ce monde qui est en train d'arriver à toute vitesse. Et les femmes dans cette situation sont très très présentes, elles sont très fortes. Et j'ai compris pourquoi Vincent Boulay-Cohn, chef d'Ilamré, me conseillait de rencontrer sa nièce plutôt que d'autres personnes. Parce que je crois qu'il avait raison, c'était elle qui devait être mon mentor, mais elle était vraiment à même de me faire comprendre ce qu'était la nouvelle culture du Vanuatu, cet entre-deux qu'est la nouvelle culture du Vanuatu. Et donc, j'ai suivi cette femme à travers la montagne. Je me suis mesuré à la montagne à elle, puisqu'elle montait beaucoup plus vite que moi, avec une assurance et une force, une énergie. Et à tout instant, elle a montré cette force, cette énergie. C'était vraiment quelqu'un de remarquable et en même temps de très indulgent à mon égard, toujours prête à m'expliquer, à reprendre le cours de l'histoire et à raconter des histoires aussi. Et son histoire personnelle, enfin avec son mari qui la battait, elle a eu aussi beaucoup de courage. Je ne sais pas si toutes les femmes font ça là-bas, mais elle est partie, elle a quitté, elle a avec cette association recréé, essayé de relancer. C'est une espèce de résistance aussi qu'elle a menée. Je crois que toutes les femmes ne sont effectivement pas comme ça. Elles n'ont peut-être pas toute la possibilité de l'être. Mais elle a une force de caractère indéniable. Et je pense que le fait qu'elle ait réussi à regrouper autour d'elle beaucoup de femmes, pratiquement toute la population féminine du Vanuatu, s'est associée à cette tentative de restauration des valeurs traditionnelles et l'utilisation de l'artisanat comme moyen d'expression. Et en restant, c'est absolument en dehors de toute politique, c'est ça que j'ai trouvé magnifique. Elle ne présente aucun des signes extérieurs de puissance, alors que c'est quelqu'un d'assez puissant en réalité, qui est écouté, qui a une force de persuasion autour d'elle. Elle a réussi à persuader le gouvernement du Vanuatu de reprendre le tissage des nattes et de considérer que les nattes sont une partie de la monnaie du pays, ce qui permet aux femmes de payer des prestations sociales, d'aller se faire soigner ou soigner leurs enfants, de payer l'école avec le travail qu'elles font, le travail artistique. C'est une femme qui a une dimension qui va bien au-delà du Vanuatu. C'est quelqu'un d'universel, cette femme. Et ce travail artisanal des nattes, aussi avec des dessins qui sont aussi des symboles. On a des nattes pour dormir, des nattes pour chaque. C'est très élaboré. Ça correspond à une tradition ancienne qu'elle a essayé de remettre en circulation. Oui, c'est une tradition qui n'avait pas été interrompue, oui, simplement que l'arrivée du monde moderne lui avait substitué l'argent, alors qu'autrefois les femmes avaient utilisé dans la société traditionnelle les nattes comme moyen d'échange. Elles achetaient en payant avec des nattes, et quelquefois même elles échangeaient des nattes simplement par goût, comme on échangerait des tableaux, des œuvres d'art. Donc il y avait des marchés ouverts dans lequel ces nattes étaient échangées.